Chapitre 16e, Kremlin, Tours Saint-Constantin et Sainte-Hélène, 20 janvier. Le vice-premier ministre Kozlov arriva tôt au Kremlin. Deux jours auparavant, il avait réuni tous les volkodlaks recrutés pour qu'ils fassent connaissance entre eux et planchent sur l'épineux dossier qu'il s'était vu confier par le président Popov pour la réunion d'inauguration. Ce matin-là, la neige recouvrait la place rouge. Kozlov se rendait dans le prestigieux local mis à la disposition de sa compagnie. Il se sentait glacé jusqu'aux os. Le vent chargé de froid lui déchirait la chair comme des scies. Vladimir Popov avait choisi d'héberger ses 12 Siloviki, personnes de confiance, au cœur du pouvoir central, la tour Saint-Constantin et Sainte-Hélène. Ce bâtiment est situé sur la muraille orientale de l'enceinte de la forteresse des Tsars. D'une hauteur de 37 mètres, la bâtisse domine l'esplanade qui descend de la place Rouge à hauteur de la cathédrale Saint-Basile vers la Moscova. Cette tour, construite en 1490 par Pietro Antonio Solari, occupait alors la place d'une entrée du précédent Kremlin en pierre. Elle tenait son nom de l'ancienne église des saints Constantin et Hélène, construite à l'intérieur du Kremlin pendant la seconde moitié du XVIIe siècle. La tour était initialement munie d'un portail et d'un pont-levis, gardé jour et nuit par des soldats du 1er bataillon d'infanterie de la garde de Sa Majesté impériale. À l'époque soviétique, le passage fut muré, le pont démoli et remplacé par un tunnel d'accès. La tour était donc isolée, bien que faisant partie intégrante du Kremlin. L'entrée s'effectuait par l'arsenal. Il fallait descendre au sous-sol, emprunter un passage enterré, donnant sur la tour Saint-Constantin et Sainte-Hélène. Kozlov parcourait le sinueux chemin en scrutant avec attention les recoins les plus sombres de cet ouvrage d'art. Il se demandait ce qu'il allait pouvoir découvrir dans cette tour restée si longtemps à l'abri des regards et à laquelle seuls les présidents du Présidium du Soviet suprême et les présidents de la Fédération de Russie avaient accès. Garçonnière ou petit musée des horreurs, Kozlov se pourléchait les babines en parcourant ce lieu. Au détour d'un couloir, il se retrouva juste derrière un homme de petite taille, le frêle prince Sernine. Il le salua et lui dit « Tu remercieras encore ta compagne Dounia pour l'accueil qu'elle nous a réservé dans votre datcha. J'espère que tu n'as pas oublié le rapport que nous a commandé le président pour cette réunion d'installation des volkodlaks. » Sernine retourna le bonjour à Kozlov et répondit « Il est dans mon cartable. Hier, j'ai contacté quelques camarades pour une relecture. » Le vice-premier ministre fut rassuré. « Parfait. Dès que le président aura exposé son problème, je te donnerai un coup de coude pour prendre la parole et développer avec les intervenants nos solutions. Sois vigilant, je te prie. » C'était une de ces journées où la terre semble morte de froid. L'air devient résistant, palpable tant il fait mal. Insensible à la température, Sernine, le tacticien, mesurait la portée politique du moment présent et le savourait. Il allait enfin pouvoir réaliser sa destinée, servir la Russie et accéder aux secrets qu'elle renfermait ou qu'elle voulait garder enfouis pour l'éternité. Il commençait à saisir ce que l'on attendait de lui. Fidèle à son habitude, il ne posait pas de questions. Aucune tâche ne lui semblait insurmontable. La nature ayant horreur du vide, il savait qu'il occuperait tout l'espace qu'on lui laisserait, même plus dès qu'il en aurait l'occasion. Il avait toujours agi ainsi. Cette stratégie ne lui avait pas mal réussi. Il attendait la rencontre avec le président pour présenter le document stratégique élaboré avec ses collègues. Au bout de quelques minutes, Kozlov et Sernine arrivèrent à une porte fermée qui donnait accès à l'escalier à vis amenant au sommet de la tour. C'est là que Kozlov trouva les 11 autres volkodlaks. Comme il savait que le président allait avoir du retard, le vice-premier ministre eut pour chaque recrue un mot chaleureux. Deux soldats montaient la garde, l'un debout devant la porte d'acier blindé, l'autre assis sur une chaise, le fusil en diagonale sur les genoux. À l'arrivée du petit groupe, le soldat assis se leva. Comme son camarade, il se mit à l'ordre, puis déverrouilla la grille. La petite troupe grimpa dans l'ascenseur pour se rendre à l'étage où se trouvait la salle de réunion au long et glorieux passé. Un mois plus tôt se cachait encore là le laboratoire clandestin de l'ancien numéro 1 du pays, Yuri Andropov. Dans cette caverne, pour espions, s'entassaient des piles de passeports vierges d'une quarantaine de pays étrangers, des fichiers d'agents dormants installés dans les sphères dirigeantes de leurs pays respectifs, des tampons et du papier filigrané en tout point identiques à ceux qui étaient utilisés en Occident. Une pharmacie florentine, dans un angle de la salle, contenait une variété de poisons mortels. À proximité, un râtelier renfermait un grand choix d'armes blanches, d'armes de poing, de fusils classiques ou d'assaut. Au-dessus de cette armoire était accroché au mur un modèle doré à l'or fin du AK-47 Kalachnikov, offert en 1982 par le président de la République populaire du Mozambique au grand frère soviétique Léonid Brejnev. Enfin, il aurait pu y voir le bureau sur lequel, tout en lisant les œuvres d'Hemingway et en feuilletant des périodiques américains, Andropov sirotait un bon petit whisky, tout en disant, avec cet humour russe inimitable, « Le capitalisme est pourri, camarade, mais que ça sent bon !» L'ancien chef du KGB Andropov était un modèle pour le président Popov, qui tentait de réaliser ce que son maître à penser avait théorisé et prophétisé. Le KGB, sous sa houlette, redevint un organe secret d'une redoutable efficacité. La qualité de ses agents et son service-action, fort de 700 000 membres surentraînés, lui permettait de tenir la dragée haute à tous les services secrets occidentaux réunis. À l'extérieur du pays, le KGB devenait une araignée qui tissait sa toile dans le monde entier. À l'intérieur de l'URSS, il comptait faire des guébistes, les ex-agents du KGB, les médecins du corps social soviétique avec pour maître mot la prophylaxie. Le suivi du sujet s'effectuait en quatre phases. Une prévention primaire, qui devait empêcher l'apparition de comportements antisociaux chez une personne, surveillance de son entourage privé et professionnel. La prévention secondaire, qui visait à réduire la gravité d'une déviance éventuelle, délation précoce et rééducation en milieu ouvert, sous couvert des organismes d'État. La prévention tertiaire concernait la gestion d'un cas de menée antisoviétique avéré, mise en place de procédures de réhabilitation, soit au sein d'un hôpital psychiatrique, soit d'un chantier de travail forcé au grand air, dans la vivifiante Sibérie. La prévention quaternaire concernait l'action directe du KGB, gestion des soins palliatifs et prise en charge de la convention obsèque du Refusnik. Andropov voulait faire du KGB un outil de contrôle et de réflexion politique. Popov était l'héritier de cette tradition. Aussi avait-il fait transférer le laboratoire d'Andropov dans une autre zone inoccupée du Kremlin et aménagé cet espace pour les Volkodlaks. Là, chaque membre prit place autour de la table qui avait été installée en plein centre de la pièce, préparée pour la circonstance. Le président fit son apparition. Un froissement doux, un chuchotement monotone mais expressif, presque syllabé, contour les vitres de la salle, mettait Koslov en joie. Il reconnaissait le murmure soyeux de la neige qui tombait à gros flocons blancs. « Mesdames, messieurs, veuillez vous installer, » dit Vladimir Popov, joignant le geste à la parole. « Sachez que je vais devoir vous quitter à midi car j'ai un rendez-vous urgent avec mon état-major. Si nécessaire, nous vous reverrons demain pour achever nos travaux. J'aurai un créneau. » Chacun s'assit sur sa chaise molletonnée d'un rouge naguère criard. Imaginez un œuf dont le contour est dessiné sur une feuille de papier. À l'extrémité la plus réduite, celle sur laquelle ne repose pas l'œuf lorsqu'on le mange à la coque, se dressait la chaire de Popov. À sa droite se trouvait le fauteuil de Koslov qui avait bien veillé à ce qu'il y ait 14 places pour conjurer la malédiction du 13 à table. À la demande du président, à sa gauche était assis Léonid Sergueïevitch Kikov, son expert en communication. Puis, en suivant le sens des aiguilles d'une montre, il y avait le lieutenant-colonel Ivan Kirillovitch Kuznetsov, maître espion de la compagnie, le théoricien Viktor Ilitch Leonov, l'historiographe Mikhail Fyodorovitch Lyapunov, le chambellan Jafar Abdulovitch Rakhamov, la lieutenant-colonel de police Marina Alexeyevna Pavlova, l'architecte Arkady Petrovitch Makovozov, l'économiste Roman Abramovitch Zidov, le démographe Andriy Alexeyevitch Goyelev, l'ethnologue Olga Valerievna Gourina, Andriy Alexandrovitch Verkutorov, commandant des forces spéciales au Boro, le tacticien Pierre Arsenyovitch Sernin, et Koslov à droite de Popov. Chaque membre disposait d'un micro comportant un interrupteur déclenchant une lumière pour une demande d'intervention. Quand le feu était au vert, l'orateur pouvait s'exprimer. Le président Popov prit la parole. « Bonjour à tous. Je connais trois d'entre vous, soit un quart de l'Assemblée. Léonid Kikov, mon chroniqueur et biographe, Ivan Kuznetsov, l'aide-de-camp de mon premier ministre, Viktor Leonov, le théoricien avec lequel j'ai eu un long entretien. Je découvrirai tout le monde au cours de nos prochaines réunions de travail. » Il jeta un regard sur chacun des membres en le gratifiant d'un sourire, puis demanda « Savez-vous ce qu'est cette table ?» Koslov opina du chef et dit « C'est la table du présidium du Soviet suprême d'Union soviétique. » Popov s'empressa d'ajouter « Je l'ai fait remonter des caves du Kremlin rien que pour nous. Pourquoi, d'après vous ?» La séduisante brune et ténébreuse lieutenant-colonel Marina Pavlova leva le bras à la manière des écolières russes, l'avant-bras gauche posé parallèlement au rebord de la table, et le bras droit dressé à la verticale et en équerre sans que le coude ne décolle. D'un petit signe de la tête, le président Popov l'autorisa à s'exprimer. C'est pour le symbole. Dans le cadre d'un comité exécutif nouvelle formule, vous voulez que nous soyons autour de vous les députés des travailleurs, des paysans, de l'armée rouge et des cosaques panrusses. Popov laissa poindre un léger sourire à la commissure des lèvres. En effet, concéda-t-il, on ne saurait mieux dire, madame. C'est alors que la blonde et jolie ethnologue Olga Gourina renchérit. Et vous souhaitez, monsieur le président, que nous ayons pleinement conscience, en pénétrant dans ces lieux, que la destinée du peuple russe est enchevêtrée dans une trame ininterrompue, allant des tsars fondateurs de la période communiste pour nous conduire jusqu'à vous, c'est-à-dire à nous. Popov se frotta le menton et, sans dissimuler son tracas, dit sentencieusement, avec ce sens de la formule qui faisait de lui un tribun adulé, lors des conventions du parti majoritaire. On ne peut être plus exact. À partir d'aujourd'hui, autour de la table des commissaires rouges, au cœur de la citadelle de l'empereur des Blancs, notre seul souci, chers camarades, sera d'effacer les bleus infligés à l'âme de notre mère Russie. Que ces jours obscurs et incertains que nous traversons deviennent radieux pour notre patrie. Dehors, aucun souffle, l'air était figé, immobile. Il mordait, desséchait, tuait les arbres, les plantes, les insectes. Abandonnant son allure enjouée, Popov dit sur un ton grave qu'il était face à une urgence. Un silence envahit la salle centrale de la tour Saint-Constantin et Sainte-Hélène. Une série d'attaques ont ensanglanté la Russie durant ces dernières semaines, lança-t-il. Le groupe Islami Harakati Mukawama, le mouvement de résistance islamique, déchaîne une vague de violence sans précédent sur le territoire russe. Les terroristes font dérailler des trains et exploser des bâtiments officiels. Ils perturbent la quiétude de la population civile par des attentats suicides, planifiés et réalisés par sa branche activiste féminine, les Veuves Noires. Le KGB est formel, c'est Yusup Imadedinov qui tire les ficelles. Il profite de l'hiver et de son refuge montagneux pour orchestrer les attaques contre notre peuple. Le sanctuaire de ces criminels est Arsikouchi, la capitale du Tokaristan. Popov dépeignit ce cadre pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Il poursuivit. L'état-major m'a remis le plan de guerre que je lui ai demandé. Le 1er mars, je déclencherai une offensive contre ces assassins. Nous ne devons pas tarder car les gardes-frontières nous indiquent que des moudjahidines venus du Caucase et d'Asie centrale font route vers Arsikouchi. Il y a fort à parier que d'autres viendront de partout dès que le conflit aura commencé. Il ne faut pas sous-estimer Imadedinov, c'est un bon stratège. Il connaît parfaitement tous nos protocoles d'opération. Le conflit qui se profile promet d'être meurtrier. J'imagine déjà les manifestations sur toutes les places du pays quand les premiers appelés du contingent seront rendus à leur mère dans des housses mortuaires. Cette perspective l'affligea. En prononçant ces mots, il se souvint que le professeur Boris Mikhaïlovitch Vassiliev, l'un de ses vieux maîtres de l'école du drapeau rouge, la pouponnière du KGB, lui avait dit « À mon époque, un barbu, c'était un barbu. Deux barbus, c'était des barbus, et trois barbus, c'était des barbouses. Aujourd'hui, dès qu'apparaît un premier barbu, prenez garde, c'est peut-être un fou d'Allah. » Si l'auditeur veut savoir qui est Boris Mikhaïlovitch Vassiliev, dont le nom figure dans l'encyclopédie des grands espions, il peut consulter les archives du Kremlin en annexe au document I. Ce fut après cet hommage appuyé au professeur Vassiliev que Vladimir Popov laissa la parole à Alexandre Kosloff. Le vice-premier ministre donna alors un coup de coude très appuyé à son voisin Pierre Sernine pour qu'il aborde l'ordre du jour. « Président, pour cette réunion, à votre demande, nous avons travaillé sur un plan de guerre, tout comme l'a fait votre état-major. Pour éradiquer le terrorisme tokaristanais, vos services vous proposent d'entrer en opération le 1er mars. Selon nous, pour maximaliser nos chances de succès, nous vous suggérons le 25 septembre. D'abord, merci à tous d'avoir répondu à ma commande, rétorqua le président, dont pas un muscle de son visage ne trahissait la moindre émotion. Vous désirez repousser de 8 mois notre intervention militaire. Comment justifiez-vous ce report? Avant de donner la parole aux intervenants prévus, Sernine indiqua. Le risque est que nous nous retrouvions englués dans une nouvelle guerre de Tchétchénie. Même si le Tokaristan nous est topographiquement plus défavorable que le terrain de Grozny, les combattants islamistes se sont aguerris sur tous les champs d'opérations djihadistes. Le chambellan Jafar Akhamov, peste des islamistes, abonda dans le sang du tacticien. Les Tokaristanais, dit-il, s'attendent à une réplique classique à leur provocation. Il y a fort à parier que les attentats des Veuves Noires sont une façon de polariser notre attention. Ensuite, comme ils l'ont fait au Daghestan à partir de la Tchétchénie, ils mèneront quelques offensives plus conventionnelles pour nous signifier que la guerre a débuté. Si nous ripostons, nos pertes seront lourdes. L'opinion qui vous adule, monsieur le président, commencera à douter, à grogner, puis à manifester. Léonid Kikov, sommé de donner son avis par le regard insistant du président, précisa. À coup sûr, la propagande occidentale, sous influence américaine, braquera tous les projecteurs médiatiques sur Arsikouchi. Elle dénoncera en boucle les atrocités que nous serons accusés de commettre contre des populations civiles. Elle écornera votre image, monsieur. Le commandant Verkhotourov, le militaire de terrain qui, au cours de sa carrière, avait vécu la pétaudière onusienne de l'intérieur, souligna. Il y a fort à parier aussi que l'ONU tentera de voter des résolutions auxquelles nous serons contraints d'opposer notre veto. Il faut donc tout faire pour nous éviter un conflit long qui donne à la communauté internationale l'envie de venir fourrer son nez dans nos affaires intérieures. L'ethnologue Olga Kourina conclut « Alors que personne ne s'est placé aujourd'hui sur une carte de Tokaristan, le combat sanglant de ces fous de Dieu sera maquillé en combat pour la liberté. Il deviendra un enjeu de paix planétaire. » Le président Popov fut satisfait de cette présentation à plusieurs voix. Il constata qu'avant même d'avoir été installé dans leur quartier général, les Volkodlaks s'étaient donné les moyens de se réunir pour honorer la commande qui leur avait été passée. Le test s'avérait encourageant. Tout cela lui semblait de bon augure. Il formait un groupe prêt à agir, à chasser en meute. Koslov, lui, était comblé par le comportement de ses 12 protégés. Il en allait de sa crédibilité que cela se déroulât bien. L'objectif, repousser la date de l'intervention militaire, était acquis. Le vice-premier ministre se sentait pousser les ailes d'un ange gardien. « Maintenant que vous m'avez décrit ce qui ne doit surtout pas arriver, » s'écria Popov, « vous me direz demain comment vous, vous comptez y arriver. Il est midi. Je suis obligé de vous quitter. Le devoir m'appelle à l'état-major. » Vladimir Popov se leva, fit le tour de la table ovoïde, s'arrêtant devant chaque participant pour lui serrer la main et lui dire un petit mot. Il conversa plus longuement avec l'historiographe Mikhail Yapunov. En sortant, il fit signe à Léonid Kikov de le suivre. L'expert en communication se leva, le rejoignit à la vitesse d'une personne qui se déplace en claudiquant. En réclamant la présence du chroniqueur à ses côtés, Koslov comprit que le président ne voulait pas manquer l'occasion de bâtir sa légende.